Si, c'est un blockbuster français que vous nous proposez ce matin, Frédéric Sigrist. Un film de science-fiction qui est la suite d'une série née sur le web, Le Visiteur du Futur. Oui Mathilde, alors je sais que parler d'un film sorti depuis 15 jours en temps médiatique, c'est une éternité. Mais j'ai bien écouté la journée de mercredi que France Inter a consacrée à la sobriété. Prendre son temps, c'est aussi lutter contre le consumérisme. Très bonne journée. C'est d'ailleurs dommage que la journée de la sobriété ne soit pas tombée le jour de la disparition d'Elisabeth II. Les éditions spéciales auraient été vachement plus courtes. Une rentière anglaise de 96 ans vient de nous quitter. Paix à son âme, fin, sobre et efficace. Donc non à cette course perpétuelle à la nouveauté. Je ne vais pas vous parler de la ressortie d'Avatar sur nos écrans cette semaine, ni de la nouvelle série Star Wars Andor qui vient de démarrer. Je veux vous parler du Visiteur du Futur, la petite réussite de science-fiction que l'on doit à François Descraques. Un film qui d'ailleurs a été tourné chez vous, Frédéric, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Oui, alors ça Mathilde, je sais pas trop s'il faut s'en vanter, parce qu'entendez-moi bien, au départ l'idée d'un film de science-fiction tourné à Nancy, j'étais carrément pour, on peut le dire, j'étais même un peu fier, sauf que le film se passe en grande partie dans le futur apocalyptique, peuplé de zombies, où un nuage nucléaire a ravagé une bonne partie de l'humanité, donc je sais pas si l'office du tourisme du Grand Est va vraiment utiliser le film pour faire sa pub. Hein. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, à l'image, on reconnaît bien plus Metz que Nancy. Oh, la vieille guéguerre entre les deux villes. Et donc là, ça parle de quoi le Visiteur du Futur? Eh bien, un lanceur d'alerte qui vient du futur, imaginez Hugo Clément en mode clochard, qui tente de prévenir une catastrophe qui va menacer l'avenir de l'humanité. En l'occurrence, la construction d'une centrale nucléaire qui est vouée à exploser et à faire disparaître une bonne partie de la planète. Alors attention, je tiens à préciser que Vladimir Poutine ne fait pas partie de l'équipe du film. La guerre en Ukraine n'est pas une opération publicitaire pour le Visiteur du Futur, toute ressemblance avec des événements réels serait purement fortuite. Il y a un article en ligne du journal Le Point, Frédéric, qui reproche au film d'être anti-nucléaire. Oui, ils sont un peu tendus au point en ce moment. Hein. Je commence à comprendre pourquoi Clément Pétro a demandé l'asile politique ici tous les vendredis matins. Hein. La rédaction du 5-7 avec ses 2 heures de sommeil en 8 ans, vous êtes plus détendu que toute la rédaction du Point qui revient de vacances. Hein. Non, parce que franchement, le Visiteur du Futur n'est pas plus anti-nucléaire que ne l'était Terminator, Mad Max, Godzilla ou le moindre récit de science-fiction des 60 dernières années. La prochaine polémique à ce moment-là, ça va être « Attention, la soupe aux choux donne une mauvaise image du transit intestinal des agriculteurs !» Parce que malgré cette lecture douteuse du film, le Visiteur du Futur est une authentique comédie de science-fiction. Le cousin pas si éloigné d'Objectif Nul ou de Docteur Who. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de budget qu'on n'a pas d'ambition. Même si Le Visiteur du Futur était initialement une web-série entre potes qui se filment dans un jardin au caméscope, François Descraques a réalisé un authentique film de cinéma, drôle, bien joué, par plein de nouvelles têtes venant du web également. Audrey Pirot, Florent Dorin, Raphaël Descraques, j'en passe. Un film traversé par des plans et des décors qui évoquent subtilement l'univers de l'animation japonaise et même le jeu vidéo. Et surtout, Mathilde, il y a une histoire, une belle histoire touchante sur un conflit de génération et l'importance d'une vie au regard des grands enjeux de la société. L'accroche du film pourrait être « Un seul être vous manque et tout sera dépeuplé ». On se demande toujours au moment de trier ses déchets ou de fermer son robinet si ça vaut vraiment le coup au regard de ces brochettes d'abrutis qui sillonnent le ciel pour aller taper dans un ballon ou traversent la mer en avion ou en tankeur. C'est à ce moment-là que le Visiteur du Futur apparaît dans notre salon pour nous dire « Ne jette surtout pas cette canette! Tu risques de condamner le futur !» Nous sommes tous soumis à l'effet papillon, nous dit François Descraques. Un petit geste peut avoir des conséquences qu'on n'imaginait pas, tout comme une petite web-série peut aboutir à un bon film que l'on n'avait pas vu venir. Et un bon film qui donne une bonne chronique. C'était Blockbuster de Frédéric Sigrist.